Le sujet de cette vidéo sera la manipulation. Donc, vous devez regarder plusieurs choses dans la manipulation. C'est que les personnes cherchent un avantage sur vous. Et lorsqu'ils cherchent un avantage sur vous, cela veut dire qu'ils veulent indirectement contrôler votre énergie. À plusieurs niveaux, ça peut être mental, ça peut être psychique et ça peut être physique. Mais la manipulation, en gros, provient de quoi? Elle provient de l'incapacité d'une personne à savoir ce qui se passe dans sa tête pour savoir qu'elle-même est manipulée. Parce que lorsqu'on est manipulé, on veut manipuler l'autre en relation avec l'obtention d'un désir. Et un désir, c'est toujours de la manipulation. Une personne qui s'en va sur l'autoroute, puis tout à coup, elle a la pensée d'aller acheter un nouvel ordinateur, alors qu'elle n'a peut-être pas le budget, c'est de la manipulation. Parce que la préparation d'une idée ou d'un mouvement prend du temps. Et quand vous êtes manipulé, c'est la source des désirs qui répond et la personne peut tout simplement passer à autre chose très rapidement sans même savoir qu'elle est rendue au magasin en train d'acheter quelque chose. Donc là, on parle d'une manipulation très avancée. Donc, comment s'orchestre la manipulation et entre les individus, comment fonctionne la manipulation? C'est que la personne ne le sait même pas qu'elle est manipulée dans ses pensées par rapport à vous. Elle peut avoir l'impression que vous êtes une personne qui manque de générosité. Donc, tout son discours ne dira pas directement que vous êtes un manqué de générosité. Ça va être plutôt la façon des petits commentaires comme « Oh, t'as pas pensé à ça, c'est dommage. » Mais c'est une forme de manipulation. Parce que quand on vit une vie de conscience, on vit une vie intelligente, on n'a pas à penser ce que l'autre doit penser. On vit tout simplement sa vie à soi et on regarde pourquoi on dit telle chose en relation avec l'autre personne pour lui créer le moins de remous possible. Lorsqu'on crée des remous chez l'autre, on devrait le savoir. Ça veut dire qu'on essaie de la manipuler. Alors que si on lui dit tout simplement, est-ce que je t'ai bousculé dans ce que j'ai dit? Et ensuite de ça peut être une forme de manipulation parce que vous pouvez démontrer à l'autre que vous êtes intelligent. Donc, dans la manipulation, il y a toujours de la réflexion. Il y a toujours un désir caché qui doit être dans le fin fond, divulgué par la personne qui se fait manipuler, parce que ceux qui sont des manipulateurs ne vous le diront pas qu'ils sont des manipulateurs. Ils vont plutôt vous dire qu'ils sont dans l'intelligence, ils vous parlent avec intelligence, et qu'indirectement, vous, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez inférieur à l'autre, mais aussitôt que vous vous sentez inférieur à l'autre, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est moi qui manque d'identité? Ou c'est simplement que l'autre, indirectement, dans ce que j'entends, la vibration de ce que j'entends, il me semble que c'est pas correct. Puis quand ça allume cette petite lumière-là, c'est pas correct. Ça veut dire que c'est à vous de regarder comment fonctionne l'autre en relation avec vous autres. Et vous, c'est à vous d'avoir plus d'identité et de monter dans votre vibration et d'être un peu en sacrement contre le fait que vous vivez une forme qui vous est imposée et que vous avez à la dévoiler pour savoir que vous ne voulez pas la vivre. Parce que la manipulation, c'est le caractère occulte de la domination. On ne vous dira pas qu'on veut vous dominer, mais on veut vous contrôler. Et le contrôle, c'est la manipulation. Et dans les couples, aujourd'hui, on vit ça énormément. La personne peut sortir avec son copain. Ah, j'aime pas ce que tu portes ou ah, tu devrais porter ceci ou cela. Et la personne qui est en couple, un homme, n'a pas à dire ça à sa femme. C'est à sa femme de saisir qu'est-ce qu'elle doit porter pour égayer son mari. Et si le mari n'est pas capable de prendre ce que sa femme a mis et de trouver un réconfort ou un certain amusement dans ce qu'elle est, il peut la manipuler facilement. Parce que l'homme est très facile dans les formes pour manipuler la beauté et il ne sait même pas bien souvent que la beauté, ce n'est pas un corps physique, mais c'est ce qu'une personne, une femme dégage au niveau de l'énergie. Et lorsqu'on est en relation d'amitié, la manipulation est très, très simple, c'est ne pas savoir qui on est. Donc, automatiquement, c'est un vase communicant. C'est celui qui a la plus haute vibration qui va imposer à l'autre son autorité. Soit que celle-ci peut vous écraser. Mais quand il n'y a pas de manipulation, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vase communicant de la vibration fait monter l'autre sans que l'autre sente qu'il est manipulé. Et il n'y a pas de diminution de la vibration de l'autre, c'est simplement un vase communicant. Et il n'y a personne qui se pense plus intelligent que l'autre. Parce que quand vous avez l'impression que vous quittez une personne, que vous êtes le B- et l'autre est le A+, c'est de la manipulation. Voilà le discours sur la manipulation. Merci.